pas peur, pose-toi, écoute, ferme-la. Quand la fin du morceau arrivera, quand la dernière note retentira, tu pourras t'exprimer, pousser ta voix. Le respect c'est ça et pas autre chose. Comme sur un plateau télé où tout le monde braille en même temps, se bouscule au portail de l'oral pour choper le dernier mot. Comme du bétail, rien de plus désagréable au final. Rien ne sera retenu, tu bailles, tu zappes et l'état n'avance pas. Les représailles en boîte et puis voilà. Extrapolation de droite, de gauche, pendant que les moines et la police du Tibet se tabassent vauche. Se tabassent vauche, se tabassent vauche, se tabassent vauche. La liberté est la plus belle des valeurs qui nous a été donnée. Mais depuis la nuit des temps, elle n'a jamais cessé d'être bafouée, d'être bafouée. Écorché, prise en otage comme un avion qui ne sait faire que voler. Assumer ses décisions, ses convictions en est un aspect, un aspect. La machine a déjà du mal à tourner, alors gardez vos grains de sable, vos mises en garde, vos procès. On pourra naturellement s'en passer, sans parler du passé. FBK, Infamous 7. Constat d'échec, c'est une grande défaite. Le monde s'infecte et ce que je mate à la télé me débecte. Expulsé de sa propre terre par un avion, enfermé parce qu'on pense du mal de sa nation. L'homme court à sa perte, on nage dans un liquide marron. On appelle ça de la merde et on s'enfonce profond. Le plafond de la bêtise est touché, puis un bail. La terre s'est taillée les veines, elle a creusé des failles. Les mecs se défouraillent pour une clope, pour de la maille. Au pire, ça fera un sujet pour fontaine et bataille. Y'a encore des esclaves frappés dès qu'ils s'exclament. Excuse-moi d'accuser, je trouve ça abusé. Des balles peuvent fuser pour une cause déguisée. Les vainqueurs ont gravé leur tronche dans les musées, immortalisés en l'honneur de leur connerie. À l'heure actuelle, mec, j'ai plus envie de conneries. Donc je balance une salve en l'honneur de notre cause. Et on passe à l'action, y'en a marre de causer. FBK, groupe aussi brutal que sensible. L'hémorragie massive et le mal est massif. Je suis criblé de balles, mon passé à tirer. Épuisé par tout ça, je veux tout déchirer. Des montagnes à franchir, t'inquiète, on se démène. Et on se doit de réagir car l'horreur est humaine. Rapper c'est mon dada, après 15 tirs, t'en voulais plus, ben voilà, on s'autorise en bonus track. Un rap de blabla, hip hip hip, hourra pour le firebomb qu'il a. Rapper c'est mon dada, après 15 tirs, t'en voulais plus, ben voilà, on s'autorise en bonus track. Un rap de blabla, hip hip hip, hourra pour le firebomb qu'il a.